Le bulletin de sport local et régional de Danny Veilleux. Une commandite de votre magasin local et régional Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini. Le printemps est à nos portes et pour vos besoins d'articles printaniers, c'est Canadian Tire du 1751 boulevard Vézina qui est l'endroit idéal. Surveillez la circulaire chaque semaine pour les différents spéciaux et magasinez en ligne au canadiantire.ca. Si votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional, hier, l'Avalanche du Colorado a perdu 2-1 contre les Blackhawks de Chicago. Faites noter dans le match que Samuel Girard de Roberval a été blanchi, a joué 21 minutes 44 et a terminé le match à 0, donc ni positif ni négatif. Maintenant, du côté des Saguenay de Chicoutimi, ils ont subi deux revers en fin de semaine pour tirer derrière 0-2 dans la série contre l'Océanique de Rimouski. Samedi, en fin d'après-midi, les Saguenay ont joué le plus long match de leur histoire et le cinquième plus long de l'histoire de la Ligue de hockey junior du Québec en s'inclinant par le compte de 3-2 en quatrième période de prolongation. C'est Théo Rochette qui a marqué les deux buts des Sags. Et vendredi, les Sags avaient surmonté un déficit de 3-0, ils se sont inclinés 4-3 en prolongation. Dans le match, Théo Rochette avait marqué 2 buts et Hendrix Lapierre a aussi marqué. Ligue nord-américaine de hockey, les Marquis de Jonquière ont remporté un gros match dans la série 2-3 qui les oppose à Rivière-du-Loup. Hier, les Marquis ont gagné 6-3 contre Rivière-du-Loup pour prendre le devant 1-0 dans la série pour déterminer quelle équipe sera la quatrième as. La quatrième as, on a été que Alexandre Quenelle a marqué un but, deux passes, Mathieu Brisebois également un but, deux passes et Christian Ouellet avec deux buts. Jean-Sébastien Bérubé et Jean-Simon Allard ont aussi marqué. Prochain match vendredi au Palais des Sports. Ligue senior du Lac aux Fleuves, devant l'une des plus grosses foules de l'histoire, les multiconditionnels ont emporté 5-3 contre le MJR Express de Jonquière. Ça se déroulait samedi soir devant 1150 spectateurs. Steven Girard avec deux buts, Pierre-Olivier Nau un but, deux passes, Jonathan Fleury et Pierre-David Dufault ont aussi compté. Vendredi, défaite du multiconditionnel à la baie 6-4. Steven Girard avait marqué deux buts et a ajouté une passe. Il y a Olivier Chen qui a marqué également un but. Et de même que Jean-François Fortin. Prochain match vendredi ici même à la baie et samedi au complexe sportif du secteur de Dolbeau. La série est égale 2-2. Les Éperviers de Normandin hier ont défait les Marquis de Jonquière 5-1 pour prendre le devant 1-0 dans la série. La saison des Castors de Dolbeau est maintenant terminée. Samedi soir, les Castors ont perdu 6-3 contre les Aiglons d'Alma. Jacob Bouliane, un but, deux passes, Donovan Dion et demain que Nicolas Genin ont aussi marqué. Vendredi, les Castors avaient évité l'élimination en l'emportant 2-1. Les Rapides de Dolbeau-Mistassini ont pris le devant 2-0 dans la série contre les Saguenay de Chicoutimi. Ils l'ont emporté 6-5 et 4-0. Et maintenant, du côté des Aigles de Roberval, les Aigles ont remporté le premier match de leur série dans la classe juvénile. Sport local et régional, à danradiosport.com. On s'en occupe.